6. Bonjour. En fait, Olivia ne s'appelle pas Ruiz de nom de famille, mais Blanc, comme son père. Eh bien, elle est née le tout premier jour de l'année, en 1980. Elle a des goûts très variés, mais surtout à ses débuts, on peut dire que c'est la chanson française populaire qui l'a inspirée, comme Beko ou Aznavour, par exemple. En fait, elle chante depuis l'adolescence, mais sa participation remarquée à la Star Academy en 2001, où elle arrive en demi-finale, a permis au public de la connaître. Et en 2007, elle peut fêter son premier disque de diamant. On peut espérer que Miss Météor connaisse le même succès que La Femme Chocolat, pour lequel elle a obtenu ce disque de diamant. Nous nous occupons essentiellement du site d'Olivia. C'est important pour connaître toute l'actualité de notre idole.